En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-93. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. En cette période de réjouissance, Construction Proco, qui se spécialise dans la charpente, structure de pont et revêtement, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Notre entreprise est très fière d'être impliquée dans la construction du nouveau pont dans notre secteur et remercie la population pour sa patience pendant les travaux. Construction Proco, une entreprise de notre région. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison-Besson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison-Besson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-0580. Et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Demain va commencer le championnat du monde de hockey junior à Buffalo. Le Canada a été finaliste l'an passé. Il a été au camp d'entraînement de l'équipe canadienne junior. On parle avec Kevin Dubé du Journal de Québec, que vous pouvez lire d'ailleurs à tous les lundis. Dans le Journal de Québec et de Montréal, il y a toujours des bons rapports, puis c'est toujours intéressant, ces rapports sur les meilleurs prospects, surtout que le Canadien, cette année, risque de repêcher assez près. Salut, Kevin! Salut! Kevin, j'aime toujours ça, ces profils de joueurs qui vont être éligibles au repêchage que tu fais le lundi. Surtout que cette année, ça risque d'être intéressant avec les Canadiens qui risquent d'avoir un bon choix au repêchage, là. Oui, exactement. Puis 2018, c'est une très bonne année aussi pour le repêchage, là, particulièrement à cause des 3, 4 ou 5 premiers joueurs qui sont disponibles, dont le défenseur Rasmus Dahlin, dont on a déjà parlé à quelques reprises. Mais c'est une bonne année. Là, le Canadien qui au début de la saison, on se demandait même s'il ne serait pas dans la course pour le premier choix total. Ça s'est replacé un peu, mais quand même. Même si les Canadiens repêchent dans le top 10, ils vont certainement avoir un excellent joueur. Puis ça va être intéressant parce qu'au championnat du monde junior, d'ailleurs, je serai là à partir de demain là, à Buffalo. Il y a quelques bons espoirs aussi qui vont être là. Dahlin va être là avec la Suède. Probablement que Brady Tkachuk va être là avec les États-Unis aussi. Mm. Il va y avoir des joueurs intéressants. Philippe Zetina, Limousset d'Halifax qui va être avec la République tchèque. Donc ça va être intéressant de les voir aussi ces jeunes-là dans un contexte international contre des joueurs plus vieux. Ça va nous donner une bonne éducation de ce qui s'en vient pour le repêchage de 2010. Parle-moi, Kevin, de l'équipe. Tu as suivi quel entraînement? À quoi s'attendre de l'équipe canadienne cette année? L'année passée, c'était contre les Américains, ça avait été une finale enlevante. Qu'est-ce que tu prévois cette année? Ben, écoute, je pense que peu importe l'année, on faut toujours s'attendre à ce que le Canada ait des chances de remporter la médaille d'or. Toutes les années, c'est la même chose. Cette année, c'est une équipe, je pense, qui va se démarquer par sa vitesse. C'est une équipe très rapide. Le personnel d'Hockey Canada est allé avec des joueurs particulièrement défensifs, des joueurs pas les défenseurs avec les plus gros gabarits, mais des des défenseurs nouveau genre, comme on dit dans la nouvelle Ligue nationale, des défenseurs qui bougent bien la rondelle, qui patinent bien. On pense à O'Kale Clegg ou Jake Bean qui étaient là l'an dernier, qui vont être de retour cette année. Dante Fabro aussi, là, son statut est incertain pour le tournoi, par contre, en raison d'une blessure. Victor Mété, évidemment, qui revient du Canadien de Montréal, qui va ajouter de l'expérience et de l'offensive à la brigade de défenseurs du Canada. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Canada arriver dans un tournoi avec autant de confiance en son gardien de but numéro 1. On se souvient, lors des dernières années, ça avait souvent été difficile pour les gardiens de but. On savait pas qui était le partant précis. Il y avait souvent un jeu de chaise musicale qui se faisait entre les deux gardiens de but pour finalement décider qui était celui avec qui on allait aller à la guerre. Cette année, c'est clair que c'est Carter Hart, le gardien de but numéro 1. Et Hart était là l'an passé. Ça a été un tournoi pas difficile, mais en dents de scie pour Carter Hart l'année passée. On sait que lui et Connor Ingram s'étaient échangés les départs un peu, puis on avait eu de la misère à se décider sur qui allait être le gardien de partant en finale. Finalement, on était allé avec Connor Ingram, en demi-finale, elle a accordé des mauvais buts, puis finalement, Carter Hart était revenu pour être le gardien partant. Cette année, c'est clairement lui qui va être l'homme de confiance de Dominique Ducharme et du personnel de Hockey Canada. C'est le meilleur gardien au Canada, sans l'ombre d'un doute. Je pense que même si on pourrait même graver son nom tout de suite sur le trophée du gardien de but par excellence dans la Ligue canadienne de hockey, c'est le meilleur gardien dans la Ligue de l'Ouest en ce moment, une moyenne de buts alloués inférieure à 2, un pourcentage d'efficacité de 960, c'est des chiffres complètement exceptionnels pour un gardien de but. Accordé, écoutez, Carter Hart, depuis le début de la saison, c'est 1.32 de moyenne de buts alloués, a accordé 22 buts en 17 matchs. Okay. Donc c'est un gardien extrêmement dominant. C'est une équipe qui va être bâtie par l'arrière. En attaque, on n'a pas de gros noms. Il n'y a pas eu de retour de la Ligue nationale. Il n'y a aucun joueur qui a été de retour de la Ligue nationale de hockey pour amener un peu de punch à l'attaque. Mais il y a quand même des joueurs qui sont de retour, les Taylor Radish, Dylan Dubé qui sont de retour de l'an dernier. Puis il faudra surveiller aussi les Sam Steele, Jordan Carew, deux joueurs qui ont établi une chimie incroyable depuis le camp d'entraînement estival de l'équipe Canada Junior, qui vont jouer un rôle important en attaque. Robert Thomas, le premier choix des Blues de Saint-Louis au dernier repêchage également, va être à surveiller. Donc, c'est une équipe complète, une équipe rapide que le Canada va présenter. Il va y avoir beaucoup de compétition, évidemment, dans les autres pays aussi. Donc, ça va être intéressant de voir ce que cette équipe-là pourra faire. Pour Victor Mété, c'est une expérience extraordinaire. Mété, ça va être quoi? Dans l'échiquier des 6 défenseurs de l'équipe Canada Junior, ça va être mettre le général lors du jeu de puissance? Mais tu places quoi? Deuxième, troisième, top 2, top 4 de Dominique Ducharme? Ben, tu sais, c'est sûr que ça va être un défenseur dans le top 4. C'est un gars qui revient de la Ligue nationale, automatiquement, se doit d'avoir un rôle important. Ouais. Particulièrement si Dante Fabro participe pas au tournoi. Fabro était là l'an passé aussi. C'est un défenseur très efficace dans les deux sens de la patinoire, un gars sur qui on avait l'intention de se baser beaucoup du côté du Canada. Donc c'est clair que Mété va faire partie du, tu sais, s'il est pas le premier défenseur, il va être le deuxième ou le troisième, mais avec Jake Bean et Kale Clegg, on va parler de défenseur 1A, 1B, 1C là, avec le Canada. C'est clair que Mété va avoir un rôle important. Je l'ai vu dans le camp d'entraînement, les premiers matchs ont été difficiles pour lui, puis il l'a reconnu lui-même, c'est que la vitesse d'exécution et la vitesse de jeu est un peu différente entre la Ligue nationale de hockey et le junior. Il y a eu un peu de misère à s'ajuster au fait que le jeu était un peu moins rapide et qu'il y avait plus de temps qu'il pensait sur la patinoire, mais ça s'est replacé par la suite. Dans les matchs hors concours, joué avec Connor Timmins, un espoir qui a été repêché au dernier repêchage. Donc c'est clair que Mété va avoir un rôle important sur l'avantage numérique. Je serais pas surpris qu'il joue aussi sur le désavantage numérique. Ça va être un défenseur qu'on va utiliser à toutes les sauces. Puis on va certainement vouloir qu'il utilise son expérience à son avantage et à l'avantage de ses coéquipiers. Tu sais, c'est quand t'as vécu la jungle de Montréal avec la couverture médiatique, tu sais un peu à quoi t'attendre. Puis on sait que le championnat du monde junior est un tournoi très couvert pendant le temps des fêtes. Donc c'est certain que Mété va avoir un rôle important à jouer aussi avec les médias, probablement parce qu'il sait déjà un peu comment gérer tout ça. Ah oui, c'est clair. Samuel Harvey, est-ce que Lady était déjà occupé dans son cas? Non, je ne pense pas. Je crois le personnel d'entraîneur quand ils disent que chaque joueur avait une chance de faire l'équipe. Faut pas se cacher que Samuel Harvey était le quatrième défenseur, le quatrième gardien de but sur l'échiquier quand il s'est présenté au camp d'équipe Canada. Habituellement, le Canada n'invite pas quatre gardiens à son camp d'entraînement. Cette année, on le fait parce qu'Harvey a été trop bon à la série Canada-Russie. Il s'est mérité une place au camp d'entraînement. Mais tu sais, c'est difficile pour un gardien de but de se faire valoir en deux demi-matchs, tu sais, parce que le Canada a joué deux matchs contre les Étoiles universitaires du réseau U-Sports, puis chaque gardien était utilisé pour un demi-match dans ces deux rencontres-là. Donc Samuel Harvey a joué la moitié d'un match une journée, puis la moitié d'un match l'autre journée. Donc c'est difficile pour un gardien de se faire valoir à ce stade-là. Puis tu sais, en sachant que Carter Hart était clairement le gardien numéro un, ben, il y avait une place disponible pour trois gardiens de but. Puis Colton Point a été extrêmement bon. Tu sais, okay. Samuel Harvey était très bon dans les matchs qu'il a joué, mais Colton Point a été encore meilleur. Puis c'est probablement ce qui a fait en sorte qu'il a fait l'équipe. Tu sais, pour Samuel Harvey, c'est incroyable. C'est le seul joueur non repêché dans la Ligue nationale qui a été. C'est pour ça, justement. Il a connu un excellent camp d'entraînement. C'est certainement fait voir par les équipes de la Ligue nationale encore. Donc, tu sais, pour lui, c'est juste du positif, mais. Pour répondre à ta question, je pense pas que les étaient tout. Parce que même au début du camp, on pensait que Michael DiPietro était déjà le favori pour être le deuxième gardien de but. Puis finalement, ben, c'est Colton Point. Non, c'est parce que je me disais, tu sais, Samuel, il est même pas l'année de repêchage. Son année de repêchage, j'ai passé. C'est un 19 ans, il a pas été repêché. Tu sais, il y a de la politique là-dedans. Hein? Puis tu sais, je me disais peut-être que les dépisteurs voudraient ou Hockey Canada aime mieux aller avec un gardien de but repêché ou encore. C'est pour ça que je te demandais ça comme question là. Ouais, mais les dépisteurs vont pas, tu sais, je veux dire, Dominique Ducharme n'écoute pas les dépisteurs quand il fait ses choix. Dominique Ducharme va avoir l'équipe qui va gagner la médaille d'or. Ouais, ok. Qu'il y ait des dépisteurs ou non qui viennent le voir, ça le dérange pas. Puis tu sais, Hockey Canada aurait pas invité un joueur en sachant qu'il allait le retrancher après deux journées. Là. Quand on quand ils invitent un joueur, c'est des coups, puis ça vient avec des coups, puis ça vient avec plusieurs choses. Puis on savait très bien qu'en même temps, c'était même pas une expérience qu'on pouvait lui donner pour l'an prochain parce qu'il serait pas admissible l'an prochain. Ouais. Donc on pensait vraiment qu'il y avait des chances réelles de faire l'équipe. C'est sûr que tu n'as pas vu les autres équipes, mais ce que tu entends au camp d'entraînement, c'est lequel? Les Américains encore, les Russes, la Finlande, la Suède, j'imagine. Je regarde le profil du prochain repêcheur, la Suède, ouais. Plusieurs Suédois vont être repêchés cette année en première ronde, à part Dahlin. Il y en a même que, je pense que c'est Greg Button qui disait de TSN, qui disait que c'est un défenseur qui a autant d'impact que McDavid et Crosby pour son équipe, qu'un joueur. Là. Donc la Suède peut être une équipe à surveiller, quoi? Ou ça peut être la plus grande position? Absolument. Moi, j'aime beaucoup les chances des Américains encore. OK. Parce que ils sont chez eux tout d'abord. C'est une équipe qui joue en sol américain cette année, mais au tournoi est présenté à Buffalo. Ils vont avoir une attaque exceptionnelle. Tu sais, Kale Yamamoto qui a commencé la saison dans la Ligue nationale avec les Oilers d'Edmonton. Logan Brown qui a joué aussi dans la Ligue nationale avec les Sénateurs d'Ottawa. Casey Middlestad, aussi un joueur qui a été repêché par les Sabres de Buffalo au dernier repêchage. Une attaque très très explosive qui va être difficile à stopper certainement. Tu as parlé de la Suède. La Suède va avoir une équipe très bien balancée. Des joueurs qui reviennent de l'an dernier, Elias Andersson et Elias Pettersson, qui ont été repêchés justement en juin dernier, qui étaient de l'équipe l'an dernier. En tant que joueur de 17 ans, cette année ils vont être de retour. Pettersson domine la Ligue de Suède. Premier marqueur pour un joueur de 18 ans dans la Ligue d'élite de Suède, c'est exceptionnel. En défensive, évidemment, Rasmus Dahlin va être à surveiller. Il y a beaucoup d'autres choix de première ronde. Timothy Liljegren, un choix des Maple Leafs de Toronto. Eric Brandstrom, des Golden Knights de Vegas. Donc, c'est une équipe qui est très... qui est à maturité, qui est très talentueuse aussi. J'aime la Finlande. La Finlande va avoir une brigade défensive. Je pense que je peux dire sans me tromper que ça va être la meilleure brigade défensive de ce tournoi-là. Il y a 5 choix de première ronde sur 6 défenseurs, 5 joueurs sur 6 qui sont les choix de première ronde sur la brigade défensive de la Finlande, dont Miro Heiskanen, qui était le troisième choix total du dernier repêchage. C'est un tournoi qui est relevé. T'sais, le Canada, comme je le disais, a toujours des chances de gagner la médaille d'or, mais cette année, ça va être encore une fois difficile. Surtout que le Canada se retrouve dans un pool qui sera vraiment pas évident avec les États-Unis et la Finlande dans le même groupe. Donc on va s'entretuer entre bonnes équipes dans ce groupe-là, puis on verra qui pourra en ressortir par la suite. La Russie, évidemment, tu sais, la Russie, c'est une des équipes les plus difficiles à évaluer avant chaque tournoi. C'est toujours difficile de savoir quel genre d'équipe la Russie va amener parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît moins, des joueurs qui évoluent dans la KHL ou dans les circuits un peu inférieurs. Mais encore une fois, tu sais, German Rupta, vous l'avez bien connu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec les Saguenayens de Chicoutimi, va être là avec la Russie. Il était là l'an dernier aussi. Cette année, il va avoir un rôle plus important. Vitaly Abramov aussi, des types de Victoriaville, va être là. Donc, c'est toujours des attaques explosives et spectaculaires que les Russes amènent à ce championnat du monde-là. Il y a beaucoup de talent, beaucoup d'équipes qui ont des chances. On va en savoir un peu plus à partir de demain. Le Canada affronte la Finlande dès le début du tournoi, donc on saura un peu à quoi qu'est-ce que ces deux équipes-là ont dans le ventre. Ça serait intéressant à surveiller. Kevin, si tu permets, on fait une pause. Je veux te parler de Joe Veleno qui vient d'être échangé. Pourquoi je veux te parler de lui? Parce que Drummondville le paye cher. On va revenir là-dessus après la pause, puis je veux te parler de Veleno. Je vais aller écouter une entrevue avec Kevin Dubé du Journal de Québec et de Montréal. Président de l'Association du hockey mineur de Robertval, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités, et merci de nous encourager. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-58. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On est de retour à DanRadioSport.com. On a Kevin Dubé du Journal de Québec et de Montréal. Kevin, je te garde parce que je veux te parler de Joe Veleno. Joe Veleno, un statut de joueur spécial à 15 ans. Pour être spécial, je pense que c'était le 7e ou le 8e dans toute la Ligue canadienne et le premier depuis, je pense, 71, 72 dans la Ligue Junior du Québec, quelque chose de même, là, qui avait obtenu la permission de jouer à 15 ans. Veleno a été échangé juste avant Noël au Vatchella de Melville contre 3 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde. C'est-tu moi ou me semble qu'il ne remplit pas les attentes exactes? Parce que oui, ils l'ont payé cher, mais je regarde. Je vais toujours sur les mock drafts là, du repêche des différents analystes. C'est toujours le fun d'aller voir quelle équipe repêcherait si le repêchage aurait lieu demain. Et Veleno tourne autour de 9, 10, 11. Pas du tout le statut d'un joueur exceptionnel. Est-ce que ce gars-là a été sous-évalué ou encore, je pense, son changement d'air avec Drummondville va lui faire du bien? Ben, écoute, c'est Veleno est arrivé dans des circonstances un peu différentes de ce qu'il a vécu cette année lors de ses deux premières années avec les Seahawks. Quand il est arrivé comme joueur de 15 ans, l'équipe ne s'est pas basée sur lui pour gagner des matchs dès le départ parce que les Seahawks avaient des équipes de championnat déjà. À 15 ans, il a joué un rôle de troisième trio. On l'utilisait un peu sur l'avantage numérique, mais pas tant que ça. L'an dernier, un peu plus, mais quand même, c'était pas le meneur de cette formation-là. Puis cette année, il se retrouve avec une équipe des Seahawks de Saint-Jean qui était clairement pas à la hauteur des deux dernières équipes avec qui il avait joué. J'ai parlé avec son entraîneur il y a environ un mois à ce sujet-là parce que c'est clair que les chiffres de Joe Veleno sont pas à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre pour un joueur de 17 ans à son année de repêchage. C'est un gars qui a marqué 6 buts seulement en 31 matchs cette saison, c'est pas à la hauteur de surtout qu'il y a eu le surtout qu'il y a eu le statut de joueur exceptionnel. Avec des joueurs exceptionnels là, c'est pas n'importe qui a ce statut-là. C'est, on parle dans l'histoire des John Tavares, des Connor McDavid, des Sidney Crosby. Tu sais, on est loin de là, là. Ouais, faut faire attention, par exemple, parce que ce statut-là avait été donné aussi à Sean Day, un défenseur qui menaçait d'aller jouer vers les États-Unis. Finalement, la Ligue de l'Ontario lui avait donné le statut de joueur exceptionnel. Puis finalement, il a été repêché en troisième ronde par les Rangers de New York en 2016. Dans le cas de Veleno, moi l'impression que j'ai toujours eue, c'est que il y a eu un peu de politique là-dedans, c'est que la menace de quitter vers les collèges américains était bien présente. On savait que c'était un joueur de grand talent. Alors on s'est dit, je pense, du côté de la LHGMQ et d'Hockey Canada et de la Ligue canadienne de hockey, est-ce qu'on est mieux de lui donner ce qu'il veut, c'est-à-dire le statut de joueur exceptionnel pour qu'il puisse jouer dans la GMQ à 15 ans, ou on est mieux de le perdre puis qu'il joue jamais avec nous puis qu'on peut jamais l'avoir dans notre ligue? Okay. Je pense que c'est un peu la réflexion que tout le monde a eu dans ce dossier-là, parce que si Veleno était dans une situation où il était trop fort pour jouer dans le midget 3, mais à 15 ans, il était peut-être pas encore prêt à jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, les parents de Veleno avaient un choix à faire, puis les études étaient très importantes pour eux également. Donc, on menaçait d'aller vers les États-Unis pour pouvoir poursuivre son cheminement dans des collèges américains. Je pense que c'est un peu la réflexion qu'il y a eu derrière la sélection de Joe Veleno. Il faut le juger pour ce qu'il est et non le juger au même titre que les joueurs qui ont eu ce statut-là avant lui. T'sais, chaque joueur et chaque situation est différente. On ne pourra jamais comparer Joe Veleno à Connor McDavid. De toute façon, je pense qu'on ne pourra jamais comparer aucun autre joueur à Connor McDavid. On ne pourra pas le comparer à John Tavares non plus. On ne pourra pas le comparer à Aaron Ekblad non plus. C'est pas le même trempe de joueurs. Joe Veleno, en ce moment, est toujours considéré comme un choix de première ronde. Est-ce que je serais surpris qu'il soit sélectionné en fin de première ronde? La réponse, c'est non. On verra ce qu'il va faire avec les Voltigeurs de Drummondville pour le reste de la saison. Mais c'est pas un joueur d'exception, entre guillemets, au même titre que Connor McDavid. C'est pas le genre de joueur qui arrive seulement une fois ou 10 ans. Okay. C'est un excellent joueur de hockey qui était un peu en avance sur son développement pour les jeunes de son âge. Mais ce serait ingrat de le comparer à des McDavid ou à des Tavares. OK. Donc, non, c'est la question que je me pose. Allez, je suis en train d'oublier une dernière petite affaire. Les championnats du monde, ils vont avoir un match extérieur pour la première fois. Ça va aller à Buffalo. Je pense que c'est le 28 décembre, Canada contre les États-Unis. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu penses que c'est bien vu dans un tournoi aussi relevé d'avoir un match à l'extérieur? Parce que c'est pas du beau hockey. Tu sais, c'est des classiques extérieurs-là, c'est le fun, mais c'est pas du beau hockey. Non, c'est sûr, mais moi j'aime bien l'idée. Cette rivalité-là entre le Canada et les États-Unis elle existe depuis des années, évidemment, dans le hockey. Puis là, on va la pousser à un autre niveau. On va faire un peu un spectacle avec ça. On se souvient qu'il y avait toujours un match le 31 décembre entre le Canada et les États-Unis. Cette année, ça va être le 29 décembre, le vendredi 29 décembre au New Era Field, le stade des Bills de Buffalo de la NFL. Moi, j'ai hâte de voir. C'est sûr que les conditions météorologiques pourraient avoir un impact sur le résultat du match. Ça, dans ce sens-là, c'est clair que c'est un peu décevant, parce que dans un match Canada-États-Unis, on veut que la meilleure équipe l'emporte dans des conditions parfaites. Là, s'il neige un peu, c'est sûr que ça va changer la donne. S'il fait très froid, ça va changer la donne aussi. Mais pour le spectacle, je pense que pour les amateurs de hockey, puis c'est un peu pour ça qu'on le fait, ça va être un bon spectacle. Je suis pas convaincu que sur le plan hockey, le Canada, si Dominique Ducharme ou l'entraîneur des États-Unis avait eu le choix de jouer ce match-là dehors ou à l'intérieur, je pense qu'il aurait décidé de jouer à l'intérieur. Mais pour les partisans, puis même pour moi qui serai sur place, ça va être une belle expérience à vivre. Ouais. Kevin Dubé, je vais te souhaiter un joyeux Noël. On est la journée de Noël. Tu pars demain pour Buffalo. Ça fait des fêtes assez plates, merci. Avec ta famille, quoi. Et on se reparle quand même en 2018 à quelque part. Absolument. Joyeux Noël et bonne année à tous vos auditeurs aussi. Kevin Dubé, un de nos collaborateurs, tiens, au Journal de Québec et de Montréal.